Maxi France avec Michel et Élodie Frégé. Viens jusqu'à moi, c'était l'un des grands souvenirs sur Maxi France. Juste après le top et le flash info de 18h, je vous offrirai Daniel Balavoine avec Pour la fève, la femme veuve qui s'éveille. Et je vous souhaite de passer une très très bonne soirée à l'écoute de Maxi France, il est tout pile 18h. Maxi France, www.maxifrance.fr, c'est 24h sur 24, le meilleur de la chanson française, des années 80 à nos jours. Et le Flash Info vous est présenté par Sophie Sarance. Sophie, bonsoir. Bonsoir à tous. Jean Castex doit donner un cap aux Français. Grand oral en ce moment devant la presse. Le Premier ministre fait un point sur l'épidémie de coronavirus et l'efficacité du couvre-feu. Pour l'heure, un reconfinement ne serait pas envisagé. À Mayotte, en revanche, le préfet annonce un confinement général à partir de demain 18h et ce pour au moins 3 semaines. L'archipel est particulièrement touché par le variant sud-africain. Le coronavirus qui ne serait pas issu d'une fuite d'un laboratoire de Wuhan. La théorie est jugée peu crédible par les experts de l'OMS. Des experts sur le terrain en ce moment, en Chine, aux origines de la pandémie. La délégation doit achever sa mission la semaine prochaine. Quand la crise économique et sociale prend le pas sur la crise sanitaire, plusieurs centaines de milliers de personnes ont marché dans les rues des grandes villes de France aujourd'hui. Étudiants, enseignants, salariés du public et du privé, intermittents du spectacle, personnel soignant, tous appelés à manifester par la CGT, FSU et Solidaires pour dénoncer les suppressions de postes, la précarité et les mesures de restriction de liberté. Le tabac et l'alcool cible d'Emmanuel Macron pour lutter contre le cancer. Le chef de l'État souhaite une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Il promet également des avertissements plus visibles contre l'excès d'alcool sur chaque bouteille. Le Lot-et-Garonne sort de la vigilance rouge au cru et repasse en vigilance orange. La décrue se poursuit lentement dans le département. Au plus haut, la nuit dernière, l'eau a dépassé la barre des 10 mètres. La préfecture ne déplore pas d'accident grave ni de décès. Jean Castex sera à Marmande demain. Outre le Lot-et-Garonne, 13 départements sont aussi en vigilance orange. Du Maine-et-Loire au Land, en passant par la Dordogne, les Hauts-de-France sont également concernés, tout comme la Saône-et-Loire. Et puis on connaît la composition du 15 de France pour le début du tournoi des 6 nations. À noter la titularisation de Brice Dulin à l'arrière. Teddy Thomas et le jeune Gabin Villière débuteront aux ailes. Dupont et Jalibert formeront la charnière. Le staff tricolore doit faire face à quelques absences, notamment celle de Romain Ntamack. La France jouera en Italie samedi après-midi. Voilà pour l'info. Bonne soirée à tous. Merci. Prochain rendez-vous avec l'information, ça sera demain matin à 7h.